Fermez les yeux et imaginez. La nuit est tombée. C'est ici que vous dormirez ce soir. La tente est montée, les hamacs sont tendus. Le feu est allumé. Un autre visage de la forêt apparaît. Les habitants du jour sont allés se coucher quand ceux de la nuit s'éveillent. Chaque son est plus présent. Le vent au loin, le bruissement des feuilles, le ululement du hibou. Le feu crépite et autour de lui vos compagnons de ce soir. Amis de toujours ou rencontres éphémères, le bivouac est un lieu propice aux confidences et aux histoires. Peut-être que l'un d'eux est musicien et que ses notes résonnent au creux de la nuit. Laissez-vous bercer par la lumière des flammes et la respiration de la nature qui vous entoure. Écoutez les récits de voyage de ces gens. Profitez de l'instant présent, de ce moment si unique. Apprenez, inspirez-vous et surtout partagez. Et bienvenue dans Feu de camp. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Feu de camp. Aujourd'hui, Thomas nous emmène à l'autre bout du monde, en Australie, où il a pu passer un an grâce au permis vacances-travail. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le permis vacances-travail, dit PVT, est un ensemble de visas temporaires permettant de voyager dans différents pays en y travaillant. Assez facile à obtenir, ce type de visa est une bonne option pour ceux qui cherchent un moyen de financer leur voyage. À vous le Canada, le Chili, la Nouvelle-Zélande, la Russie et bien d'autres encore. Renseignez-vous, ces visas sont valables jusqu'à 30 ans, voire 35 pour le Canada. Je laisse Thomas vous raconter sa propre expérience. Alors, je m'appelle Thomas, j'ai 27 ans, j'ai fait une école d'audiovisuel et aujourd'hui je travaille dedans. Mais j'ai fait un voyage en Australie avec ma chérie, Marie-Laure, et qui a été une étape importante de ma vie en sortant de mes études, je pense. Bah, moi, à la base, j'ai déjà pas mal voyagé, mais de manière tranquille, on va dire, avec mes parents en Europe. Enfin, j'ai fait voilà, tout ce qui est limitrophe à la France, en tout cas, j'ai fait des voyages de plaisance là-bas, mais jamais des voyages d'aventure comme ça. C'était toujours des choses un peu organisées, bien à l'avance, et du coup il n'y avait pas le côté aventure, et ça commençait d'ailleurs à me manquer quand j'étais ado, quand je voyageais avec mes parents, ce côté un petit peu qui était trop prévu, quoi. C'était vraiment trop prévu pour moi. Quand j'étais au lycée, je commençais déjà à penser à ce voyage en Australie, j'avais fait des recherches pour faire mes études là-bas. Et bon, les études de cinéma à l'étranger, c'est complètement délirant au niveau des prix, c'était vraiment pas possible. Et du coup, j'avais complètement mis de côté cette idée. J'ai fait mes études pendant 4 ans. Et au final, voilà, l'Australie, c'est un rêve qui était parti complètement aux oubliettes, quoi. Donc en sortant de l'école, j'ai pas trouvé de travail tout de suite. Ça a été super compliqué. Ça n'a pas fonctionné comme il aurait fallu pour moi, quoi. Et du coup, j'ai passé, je sais pas, peut-être 5 mois un peu inactif à me demander ce que je ferais de ma vie et tout ça. Donc avec Marie-Laure, on se demandait un peu ce qu'on allait faire de notre vie, quoi. On était un peu en questionnement. Et puis en fait, elle m'a dit qu'elle avait aussi envie de voyager comme ça, et notamment en Australie. Donc là, ça m'a fait tilt, ça m'a réveillé tout de suite mon vieux rêve de quand j'étais ado. Et puis finalement, il y a eu un moment un peu de lâcher prise où on s'est dit, bon bah tant pis, peu importe ce qu'on fait maintenant. Moi, ça allait pas trop, elle travaillait un petit peu, mais elle était pas non plus super épanouie dans ce qu'elle faisait. Bon bah on part. En fait, pour aller en Australie, ils te demandent d'avoir, je crois que c'est 5 000 $ par personne sur le compte en banque. Puis voilà, donc j'ai travaillé 8 mois dans un fast-food. C'était horrible, je vais pas m'étendre là-dessus. C'était 8 mois de galère et de tristesse. Mais donc du coup, on a réuni la somme et donc le 25 octobre 2015, on monte dans l'avion et on est parti pour un an d'aventure. Quand on est dans l'avion, au début, on est super excité, quoi. On est trop content de se barrer pour de bon. Et puis, la période de un an devant nous, ça paraît toute la vie, quoi. On a l'impression qu'on va pouvoir faire des tonnes de trucs. Je me souviens que moi, dans l'avion, je regardais des films en anglais, mais sans les sous-titres, du coup, et je me suis aperçu que je ne comprenais rien à l'anglais, quoi, clairement. Donc, je me suis tapé un énorme coup de flip, du coup, dans cet avion. Et en arrivant, les 2-3 dernières heures de l'avion, tu te demandes un peu, t'as envie de faire demi-tour, quoi. tu veux rentrer chez toi. tu flippes complètement, quoi. Clairement, on était complètement paniqués. On arrivait de nuit à Perth. Donc il fallait trouver un endroit où dormir et tout. Enfin, ça a commencé tout de suite, un peu tout de suite l'aventure, quoi. Et donc on avait un peu anticipé le truc, donc on est arrivé dans une auberge de jeunesse, et les auberges de jeunesse en Australie, bah il faut être honnête sur la question, c'est le bordel, quoi. C'est vraiment... C'est des gens qui font la fête de 18 ans à 35 ans, je dirais, en moyenne d'âge, des gens qui viennent du monde entier. Ce n'est que la fête. Alors c'est fantastique au début, c'est très très rigolo, on trouve vite des copains, du coup on s'amuse beaucoup. Mais quand même, le premier soir quand on est arrivé, donc notre première nuit en Australie, on rentre dans notre chambre qu'on avait payée et on tombe sur un homme complètement à poil, en fait, dans notre chambre, en train de manger un kebab assis sur le sol. Enfin, une scène complètement bizarre, et ça, on l'a revécu plein de fois après, parce que voilà, en Australie, justement, les backpacks, comme je disais, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est la teuf en permanence, et en fonction d'où on est, ça peut vraiment prendre des proportions dingues, quoi. Et puis là, on avait à l'avance, on voulait tout de suite arriver chez l'habitant pour se mettre dans le bain, en fait, et apprendre à parler anglais, parce que c'était quand même tout le nerf de la guerre en Australie. Donc on avait contacté une grand-mère, en fait, qui s'appelait Cheryl, où, en fait, dans sa maison, elle louait des chambres à des prix vachement raisonnables, quoi. Donc c'était vers Perth, et ça a été notre point de départ, un peu, pour essayer de comprendre déjà comment ce pays fonctionne, pour obtenir tous nos papiers permis de travail, et surtout pour s'acheter un véhicule, parce que c'est évidemment impossible de se déplacer dans ce pays sans voiture. Et donc du coup, on tombe sur un 4x4 qui a déjà ouais, bien 280 000 km, je crois, donc assez vieux, de 92, mais ultra robuste, très gros et très surélevé. Donc quand je l'ai vu la première fois, bah, j'étais complètement fou, je voulais l'acheter direct. C'est la plus grosse voiture que j'avais jamais vue de ma vie, et le prix était quand même dans nos cordes, on pouvait se le permettre. Donc on a acheté ce 4x4, voilà, en claquant des doigts, en 2 semaines, on était arrivé depuis 2 semaines, on a eu notre première voiture. Du coup, on a préparé ce 4x4, on l'a customisé, quoi. On a mis des moustiquaires dedans, on a mis des rideaux et tout, parce que le but était vraiment qu'on puisse dormir et être serein. Il fallait vraiment qu'on fasse une cabine à l'intérieur et tout, donc il y a eu un peu ce travail de trouver les objets, les outils qu'il nous faudrait au quotidien dans cette voiture. Et une fois qu'on a fini ça, on était prêt à partir, sauf que là, on s'est aperçu qu'on savait pas conduire à gauche, qu'il y avait tout à inverser, parce que le volant est à droite, la boîte de vitesse est à gauche, les routes c'est à gauche, les ronds-points se prennent dans l'autre sens. Enfin, la première fois qu'on roule à gauche, en tout cas pour nous, c'était la panique complète. Ça a été la paralysie au volant, la peur de faire des conneries, les gens qui nous klaxonnent de partout. Donc on a décidé de se calmer un petit peu, on est resté un peu plus longtemps chez la grand-mère chez qui on était. Et en fait, il y avait d'autres habitants qui étaient avec nous. On est tombé sur des gens fantastiques qui nous ont aidés, mais instantanément. C'est-à-dire qu'on parlait pas bien anglais, on avait besoin d'un permis de travail, on avait besoin d'une voiture. Ces gens-là ont été là pour nous aider. Mais ouais, le mois entier qu'on est resté à Perth, c'est vraiment les gens qui nous ont guidés pour faire les bons choix et vraiment partir sur une bonne aventure et pas faire n'importe quoi. Donc ouais, ces gens-là, on a une reconnaissance éternelle envers eux. On les a revus à d'autres moments après dans le voyage. Mais c'était vraiment des gens à qui on a eu une vraie forte relation. C'est la première qu'on a eue, des premières personnes qu'on a rencontrées en voyage. Et en fait, on s'est aperçu que voilà, en voyage, les rencontres, elles sont assez puissantes, ça va très très vite. L'amitié, elle se crée très très vite avec les gens, peu importe l'âge en fait, parce que c'était des gens qui avaient une cinquantaine d'années. Et bah, ça nous empêchait pas de faire des méga soirées avec eux, de nous amuser à fond. Et puis au final, voilà, au bout d'un mois, on s'est dit bon. On va quand même bouger parce qu'on n'est pas venu pour rester au même endroit. La région où on était au-dessus de Perth, c'était pas particulièrement fantastique d'un point de vue visuel. Enfin, on n'était pas dans ce qu'on rêvait en tout cas, pas à ce moment-là. Et donc du coup, on a décidé de partir. Comme on avait acheté un 4x4, on avait grillé la moitié de notre budget. Il fallait vraiment qu'on trouve du travail immédiatement pour bah, pouvoir continuer parce que c'est le nerf de la guerre. C'est tu peux rester tant que t'as de l'argent, tant que t'en as plus. Enfin, quand t'en as plus, c'est fini. Mais la barrière était évidemment la langue. Et donc du coup, on s'est rabattu sur ce que tout le monde fait. On a cherché le travail agricole dans les champs. Et puis c'était infructueux parce que bah, on recherchait sur Internet, mais il n'y a pas grand-chose. Et puis on recherchait dans les journaux, un peu à l'ancienne, quoi, regarder les petites annonces et tout. Et puis en fait, il y avait juste quelques indices qui disaient que certaines régions étaient en train de produire des fruits. Et donc du coup, forcément, il y aurait du travail. Donc bon, bah, on a pris la voiture, on est parti chercher le travail là où il était. Ça, c'est aussi une réalité du voyage en Australie. Ce qu'on ne nous dit pas forcément avant de partir, c'est que voilà, on n'est pas tout seul sur la route, on n'est pas tout seul à chercher du travail, il y a de la compétition, parce que bah, et ouais, je crois qu'il y a le chiffre, c'est quelque chose comme 30 000 Français qui viennent chaque année tenter l'expérience, quoi. À ce moment-là, on a entendu parler d'un truc qui s'appelait le Helpix, c'est du woofing. Grosso modo, le concept, c'est de travailler 4-5 heures pour des personnes qui t'hébergent chez eux et qui te nourrissent, mais tu gagnes pas de salaire, mais par contre tu payes rien. Et on a trouvé ce qui restera pour moi une des expériences les meilleures qu'on a eues avec Marie-Laure en Australie dans le travail. On a rencontré un couple qui s'appelle David et Bronwen, qui avait en fait un vieux, comment, un grand terrain de vigne, une exploitation de vigne, où ils faisaient eux-mêmes leur vin, mais ils avaient installé donc sur ce terrain, à côté d'une maison, parce qu'ils avaient aussi leur maison dessus, on dormait dans cette maison-là, ils avaient installé un restaurant. Et donc on travaillait dans les deux, on travaillait dans les vignes, donc ça c'était la partie vraiment chiante du boulot, quoi. Clairement, on se tapait 4 heures dans les vignes sous 40 degrés, il y a des mouches absolument partout, c'est limite si on ne peut pas ouvrir la bouche, tellement les mouches sont envahissantes en Australie. Ça aussi, c'est un des détails qu'on ne vous dit pas avant d'y aller, les mouches sont absolument omniprésentes. Et donc on faisait ce travail dans les vignes, et on travaillait aussi, moi je travaillais en tant que serveur dans le restaurant, et Marie-Laure elle faisait la cuisine. Donc Marie-Laure, comme elle restait en cuisine avec le chef cuistot David, elle a appris un niveau d'anglais vraiment parfait parce qu'elle parlait en continu avec lui, donc l'anglais il s'est vraiment développé. Et bah moi j'ai surtout appris à faire le serveur, enfin j'avais jamais fait ça de ma vie, clairement, de prendre des commandes, d'aller porter des plats aux gens, et puis bon, je me suis bien marré en fait, j'ai beaucoup aimé. David et Bronwen, ils nous ont mis à l'aise tout de suite, comme ils étaient producteurs de vin, on avait accès absolument à toutes les caves, tous les frigos, on était en open bar, tous les soirs on passait toutes les soirées avec eux, à rigoler, enfin, à boire du vin jusqu'à pas d'heure. Donc c'était vraiment une ambiance cool, on s'est senti vraiment très bien chez eux, on est resté 2 mois en tout. Alors là on décide encore de faire du vrai, on repart en quête de travail en fait, parce que le woofing c'est bien, mais ça permet pas de survivre au long terme. Et là, voilà, là on trouve vraiment une ferme qui nous accepte et qui nous dit, vous commencez dans une semaine. Donc le lieu, ça s'appelait Waruna. Sur la route, là, on découvre un peu on fait des stops en fait dans les villes intermédiaires parce que c'était quand même assez loin, on pouvait pas le faire une journée. On tombe sur un backpack fantastique. D'entrée de jeu, tu rentrais dans le backpack, tu te sentais intégré en fait. On a passé 3 soirées avec ces gens-là, fantastique, parce que le backpack était au bord de la mer. Donc tout le monde vient faire un peu son apéro sur la plage, se fait cuire sa viande sur le petit barbecue, et du coup ça crée tout de suite des ambiances. Enfin, en vrai, c'est vraiment les ambiances que nous on cherchait, c'est les trucs à la cool, quoi, comme on se l'imagine. On est tous tout seuls, un peu perdus au milieu de nulle part, on se rapproche très vite en fait. Et quoi, en 1 heure, 2 heures, ça y est, ça devient nos meilleurs amis, on va passer une super soirée. Ce qui arrive très fréquemment, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on se rappelle jamais avec ces gens-là qu'on rencontre comme ça sur la route. Parce que voilà, c'est l'histoire d'une soirée souvent, c'est l'histoire d'une soirée qu'on va passer ensemble, mais ça, il reste dans ton cœur, tous ces gens restent dans ton cœur, t'as vraiment des souvenirs formidables des soirées, en tout cas moi c'est ce que je retiens beaucoup de mon voyage, c'est vraiment les gens quoi, ça rend le voyage plus beau, voilà, c'est ce que je pense des rencontres en voyage. Donc on arrive dans cette ferme voilà, de melons. Alors pareil, là, complètement innocent, nous, le travail agricole, on avait arraché nos branches de vigne avant, on se disait qu'on était chaud, que c'était bon, on pouvait maîtriser, travailler et tout. Pas du tout. On s'est pris une claque physique et on a vécu un événement assez important pour nous. Enfin, c'était vraiment un truc assez énorme. On a eu un feu de forêt en fait, qui s'est déclaré pendant qu'on travaillait dans la journée. Donc on voyait en fait au loin, moi j'ai demandé au fermier, le fermier qui s'appelait Matty, le mec, après les présentations faites, il me dit que sa passion c'est la bagarre, enfin voilà, je passe les détails, mais on était sur un personnage assez bourrin quoi, un vrai bourrin, un vrai fermier quoi. Et le mec me dit non non, il y a de la fumée, oui, mais on s'en fout, nous on a l'habitude des bushfires, on les combat, enfin voilà, il me fait tout un speech où je me dis bon le mec il est quand même vachement plus d'ici que moi, s'il me dit que c'est bon quoi, il n'y a pas de problème, donc on continue de travailler, et puis on voit que cette fumée quand même, cette colonne de fumée au loin, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et si bien qu'à 20h30, 20, 21h, il faisait nuit, on commençait à voir le ciel rouge, en fait, au loin, et on dit au fermier, ouais, là, il y a un problème, il y a du feu, enfin, on va pas rester et tout. Et le gars nous dit, si, si, pas de problème, non, demain, on travaille tôt, vous restez là, et puis il n'y aura pas de souci, vous inquiétez pas, voilà. Donc on le croit, évidemment, on va se coucher. À 2h du matin, il y a une Française qui vient taper à toutes les portes en hurlant. Et en fait, donc on ouvre la porte, là on comprend tout de suite, parce qu'il y a une fumée opaque absolument partout, on voit pas à 2 mètres, et il pleut des cendres. Enfin, j'ai pas trop, je me souviens de ce qui s'est passé et comment, mais je sais pas qu'est-ce qui guide les actions à ce moment-là. On est allé voir le fermier en premier qui était aussi paniqué que nous, qui n'avait pas de solution à nous donner à part prenez votre voiture et barrez-vous le plus vite possible. Et pour finir d'achever justement cette peur qui commence à grandir, moi je vais regarder sur le site du gouvernement. Et les consignes, je m'en souviendrai toute ma vie. Je pense que je m'en souviendrai vraiment toute ma vie de ce que j'ai lu. C'était marqué « Il est trop tard pour s'enfuir. La zone où vous êtes est encerclée de feu. Il faut que vous combattiez le feu par tous les moyens possibles. » Et on décide quand même de partir, parce que les gens, globalement, s'en vont. Donc on décide de suivre la marche. Et là, il n'y a pas Marie-Laure dans la voiture. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, il n'y a pas Marie-Laure. Il n'y a plus Marie-Laure. Elle n'est plus là, elle n'est pas dans la voiture. Et en fait, bah non, Marie-Laure avait acheté un petit haut super mignon qu'elle s'était payé, je sais pas, genre 3 jours avant, un truc comme ça. Marie-Laure, en plein feu, a décidé d'aller chercher ses habits qu'elle venait d'acheter parce que c'était vraiment trop grave de partir sans et que voilà, quoi, c'était... Donc une engueulade au mauvais moment, évidemment, parce que c'est pas du tout le moment. Donc on saute tous dans la voiture, voilà, et c'est là que ça a pris vraiment le... Je crois que vraiment ça m'a achevé, c'est que je lance le moteur de la bagnole et je vois que je suis dans la réserve d'essence. Donc là, voilà, je savais que j'avais peut-être 30 km, 40 km, je sais pas combien j'avais d'essence, mais vraiment pas beaucoup, quoi. Et on savait que la première plage était à 30 km. Je pense que c'est vraiment le moment où je me suis dit, potentiellement, là, je peux mourir. Si jamais ça se passe pas bien, on est dans cette forêt en feu, j'ai pas d'essence, je suis bloqué, bah c'est la merde, quoi. Et donc là, voilà, on roule dans une forêt à moitié enflammée, avec beaucoup de fumée, en fait. Surtout, je me souviens, c'est des murs opaques de fumée. T'as beau changer de phare, essayer les pleins phares, les machins, tu vois rien. Tu vois rien à 3 mètres, c'est la galère. Et puis on arrive à un moment qui est un peu le point d'orgue du truc, c'est bah, y avait des espèces de grosses branches en flammes sur la route. Je sais pas, genre à 100 mètres devant nous, et puis bon, bah là, j'ai pas réfléchi, quoi. Clairement, j'ai accéléré. J'ai éclaté les branches en roulant dessus. Et finalement, on a réussi à rouler jusqu'à la plage. Donc on arrive à la plage et on se sent un peu enfin en sécurité. Il devait être 3 ou 4 heures du matin. Et moi, je décide de pas dormir parce que le feu, il était là, enfin, il était omniprésent. En fait, le feu qui s'était déclenché, c'était un feu qui faisait 140 km, une bande de feu de 140 km dans la forêt, et qui tournait dans tous les sens, parce que le vent allait dans toutes les directions. Moi, je sais qu'à ce moment-là, j'étais super trauma, quoi. J'étais vraiment trauma, donc j'appelle mes parents, enfin, la cata, quoi, en mode, mais il vient de nous arriver ça, j'appelle aussi mon meilleur pote, enfin, bon, je me mets un peu dans des états, peut-être pas, bon, voilà, je me suis vraiment fait flipper avec cette histoire, et en fait, quand j'appelle mes parents, je monte un peu sur la colline pour aller voir un peu le feu, et je vois que le feu revient vers nous. Donc ça recommence, quoi. Genre, je vois un grand nuage rouge qui se rapproche, le site du gouvernement nous redit effectivement que le feu, il est à notre porte. Et en fait, ils avaient bloqué toutes les routes, et ils avaient évidemment fermé toutes les stations d'essence, parce que bah, quand il y a un feu, ça peut péter encore plus. Et en fait, ils ont ouvert une route un matin, enfin le lendemain matin, ils ont ouvert une route pendant 20 minutes avec une station essence, avec ces genre, et en annonçant à tous les gens qui étaient réfugiés sur la plage, parce qu'on était plusieurs, en annonçant c'est votre seule porte de sortie, c'est maintenant, prenez la route, faites tous votre essence et cassez-vous le plus loin possible, quoi. Parce que le problème, c'est que ce feu, il n'arrêtait pas d'avancer. Donc en fait, dès qu'on allait dans une ville, le feu nous rattrapait. Donc il y a un moment, on s'est dit c'est bon, donc on a mis 100 km, je crois, ou un truc comme ça, pour vraiment passer plus loin. Et on s'est reposé pendant une semaine. Une semaine complète dans un backpack à juste dormir. Toute la semaine après, je rêvais de catastrophes naturelles, je me réveillais en sursaut. Alors c'est pas choquant, traumatisant, mais il y a quand même un petit truc qui reste. Il y a une espèce de peur en fait qui reste de ça. Donc du coup après, le feu s'est arrêté, une semaine après. Nous on pensait que la ferme avait brûlé, hein, clairement, parce que ça s'est déclaré à 2 km, le foyer était à 2 km de la ferme. Donc pour nous c'était fini, on avait tout perdu, nos affaires, notre travail, enfin bref. Et en fait pas du tout. C'est-à-dire que tout a brûlé autour de la ferme, sauf que les fermiers, eux, bah, ils ont appliqué les consignes du gouvernement, ils se sont battus contre le feu. Et la ferme était complètement intacte. Donc bah, nous on les appelle et eux ils nous rappellent, enfin ils nous disent tout de suite, bah, revenez travailler, tout se passe bien, et le feu est passé, et revenez bosser. Et en fait, on revient et puis c'est très mal passé. Enfin, je commence à être physiquement un peu à terre, quoi. C'est vrai que c'était difficile. Et puis, en fait, l'ambiance avec le fermier s'est vachement dégradée parce que bon, c'est parti de rien, mais on prenait pas de pause, mais on avait le droit de fumer notre clope pendant qu'on ramassait le melon. Tout. Il y avait une espèce d'ambiance un peu cool quand même. Puis après le bushfire, évidemment, il y avait des mesures de sécurité de dingue. Donc, il était impossible de se fumer une clope pendant la journée ou même de prendre une pause. Et du coup, on a tous crisé, quoi. Enfin, le fermier, je suis allé le voir un moment en lui disant, on peut pas travailler 10 heures. Enfin, laisse-nous genre 5 minutes, quoi. 5 minutes, c'est rien. Tu nous laisses fumer notre clope, enfin, boire un coup. Enfin... Et en fait, non. Sauf que il voulait pas. Sauf que le fermier, lui, devant nous, ne se gênait pas pour s'allumer des clopes, enfin, faire tout ce que les consignes interdisaient. Je lui ai fait remarquer, et ça s'est très très mal passé. Le mec a voulu me casser la gueule, clairement, dans le champ, devant tout le monde. Et puis, j'ai bénéficié aussi du fait que j'étais français. Et ça, quand on est français en Australie, il faut le savoir, on a une réputation qui est très très mauvaise. On a vu des magasins Ou carrément, il y avait un papier à l'entrée du magasin marqué « French shopping not allowed ». Et ce qu'ils appellent le French shopping, c'est le vol. En plus du fait que je me mette à grogner et que je sois français, bon bah c'est parti au quart de tour, et puis avec le fermier, voilà, ça, on n'en est pas venu aux mains, mais ça, on s'est hurlé dessus dans le champ, et puis au final, on a discuté 5 minutes, et puis bon. Et du coup, on a décidé de s'en aller. Et on s'est retrouvé en situation de loose, parce que tout notre problème depuis le début, c'était de regagner de l'argent. Et on n'a pas réussi à gagner de l'argent, enfin pas vraiment, pendant les, je sais pas, 5 premiers mois, quoi, de notre voyage. Donc on commençait à se dire que bah, malheureusement, on n'allait pas tenir. Donc du coup, bah, là, on a recherché un Helpix, un Woofing. Et là, ça a encore été une expérience catastrophique. En fait, on avait trouvé une ferme de vaches, enfin vraiment où il y a des hectares. Je sais plus combien d'hectares faisait le terrain du gars, mais c'était... J'ai jamais vu un terrain aussi grand, quoi. Le mec se déplaçait en avion. Il avait un avion, un petit aérodrome à côté de sa maison, et il avait un petit avion. Enfin, l'annonce, en tout cas, annonçait qu'il fallait être un peu berger des vaches, dans le sens où il fallait aller chercher avec un 4x4, elles sont réparties sur ce terrain gigantesque, et puis essayer un petit peu de les encercler et de les faire aller au endroit qu'on veut, quoi. Enfin, vraiment dans les secteurs qu'on veut de la ferme. Vraiment rigolo, quoi, comme expérience pour un premier job avec eux. J'étais super emballé, j'étais en mode, ouais, ça va être trop drôle, c'est tellement atypique par rapport à ce qu'on fait nous en France, enfin voilà, c'était vraiment un métier que pas l'habitude de faire ça. Et en fait, malheureusement, il s'avérait que moi, Marie-Laure, ma chérie, elle est métisse, et là, c'est pas passé avec eux, quoi. On est tombé sur des vraies fermiers racistes, quoi. Bon, déjà, ils ont mis une charge totale à la religion, l'islam, enfin, c'était vraiment un discours haineux comme on n'en entend jamais, quoi. Ils avaient, par exemple, ils nous ont raconté en rigolant, comme des salauds un peu, qu'ils avaient fait exprès de faire manger du porc à un backpacker arabe qu'ils avaient eu exprès pour le faire chier, quoi, enfin, clairement. Donc nous, on rentre pas du tout dans leur délire, on a un repas avec eux, on est extrêmement mal à l'aise, et puis je commence un peu à prendre parole, à leur dire, bah écoutez, nous on pense pas comme ça, quoi, vraiment, genre le repas se finit dans le silence horrible, ils se mettent devant la télé, ils nous adressent plus la parole et tout. Et puis en fait, non, le lendemain, on recommence à bosser et rebolote, quoi. Vraiment des gros cons, quoi. J'ai pas d'autres mots, c'était vraiment des gros cons. Ils nous parlaient super mal, ils nous faisaient faire que des trucs horribles. On s'est barré le lendemain, quoi. Clairement, Marie-Laure, c'est elle qui a pris les devants, qui allait les voir et qui a un peu vidé son sac et qui leur a dit ciao, quoi. Clairement, ciao, vous êtes nuls, on se casse. Là, c'était vraiment la zone un peu comment, désespoir, quoi. On n'a plus de boulot, on n'a plus de thunes. Et on est à côté d'une ville qui s'appelle Geraldton. On est arrivé là-bas. Et là, Marie-Laure, en fait, elle va complètement débloquer la situation parce qu'elle est esthéticienne de profession de base. Et en Australie, bah, ça a plu, quoi. Ça a grave plu de trouver une Française qui faisait des soins et tout ça. Donc il y avait un spa, qui est un des meilleurs spas d'Australie. Bon, elle a pris son courage à deux mains, elle allait donner son CV. Et ça a tout débloqué, en fait. Parce que bah, ils l'ont embauché d'emblée, parce qu'ils avaient besoin, ils cherchaient quelqu'un à ce moment-là. Et on leur a dit un peu notre situation, qu'on avait besoin d'une maison, quoi, enfin qu'on était un peu à la rue, quoi. Enfin, la sœur de la patronne avait une maison à Geraldton, et qu'elle louait, enfin, louait une partie de la maison en colocation, donc c'était pour nous, c'était du pain béni, ça coûtait pas très cher. Donc on a accepté cash, puis moi, dans la foulée, j'ai trouvé tout de suite un travail dans un restaurant qui était un concept, en fait, un concept restaurant dans le désert. Donc, en fait, quand tu partais de Geraldton et que tu faisais 45 minutes de route, t'étais dans un pur désert, genre il y avait rien du tout, et juste ce restaurant planté au milieu. Souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait le catering sur des festoches de musique, sur des festivals. J'ai fait des festivals de musique country au milieu du désert, des trucs avec des rodéos. Enfin, j'ai fait vraiment l'ambiance western, quoi. En vrai, je me voyais presque rester là-dedans et me dire bon bah c'est trop rigolo. On allait à droite à gauche tout le temps, vraiment plein de trucs. Donc je me suis vachement intégré dans la vie australienne à ce moment-là. En fait, à Geraldton, on est resté 6 mois. On a fait une grosse partie du voyage dans cette ville où on avait trouvé du coup du travail et puis ouais, on avait une vie confortable. Enfin, bon, on s'est laissé endormir par la routine, quoi. Moi, je sais que j'avais des envies de me barrer quand même, de repartir, de pas m'arrêter comme ça. Mais il fallait être raisonnable parce qu'on avait vraiment perdu beaucoup d'argent et donc du coup, il fallait qu'on renfloue les caisses, quoi, avant de repartir en road trip. Mais Geraldton en soi, c'était pas une ville, enfin pour le côté ville en tout cas, c'était pas très intéressant, mais on s'en foutait un peu parce que c'est pas ce qu'on cherchait. Par contre, il y avait quelque chose qui était fantastique. À 5 minutes de là où on habitait, il y avait des dunes de sable géantes, accessibles en 4x4. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à comprendre la puissance d'avoir ce véhicule, enfin ce que c'est vraiment qu'un 4x4, quoi, la puissance des 4 roues motrices, c'est ce qu'on peut faire avec. On avait ce couple de potes, deux Français, deux Parisiens qui avaient acheté un 4x4 et eux qui faisaient un parcours. Enfin, c'était un peu des têtes brûlées, quoi. Ils avaient peur de rien avec leur 4x4, ils allaient dans les endroits les plus compliqués et tout. On les a suivis pour apprendre. Et au final, on s'est retrouvé avec eux dans les dunes presque tous les week-ends, à rigoler, à faire les fous, quoi, à rouler un peu comme... Enfin, tu roules n'importe comment, tu peux taper des sauts avec le 4x4. Alors, toute proportion gardée, évidemment, il faut pas non plus... Voilà, mais on était un peu flippés, nous. Faut être très honnête, on était un peu peureux, on va dire, en Australie. Et en fait, on a découvert que oui, il faut prendre un tout petit peu du risque pour s'amuser dans ce pays, quoi. Il faut oser aller là où il n'y a pas de route, quoi. Il faut oser le off-road, c'est là qu'on a vu les plus belles choses, en fait. Dès qu'on est sorti vraiment de la route, mais... non, ça nous a permis de prendre plus de liberté, et ça nous a permis de faire un premier voyage à Shark Bay. Et Shark Bay, c'est vraiment, comme son nom l'indique, la baie des requins. Donc, il y a un peu que ça. La baignade est autorisée, mais à tes risques et périls. C'est pas vraiment un endroit où, personnellement, j'avais envie de me baigner. Et en fait, on a fait notre première vraie aventure. On est allé donc au cap de Shark Bay, où il y a 50 km off-road total pour rejoindre la côte, en fait. Donc là, on se retrouve dans vraiment l'image qu'on projetait de l'Australie, c'est-à-dire ce désert rouge à perte de vue, et il faut aller tout droit avec le 4x4 qui rebondit dans tous les sens sur cette route complètement... Enfin, c'était du sable, quoi. Donc complètement malmené dans tous les sens, et là, ouais, là, c'était le vrai kiff, quoi. C'était la première fois vraiment que je me disais, putain, c'est exactement le... Mon rêve, c'était ça. Mon rêve, c'était d'être dans cette voiture... dans des étendues vraiment sauvages. J'avais réussi à choper des kayaks avant de partir. Enfin, vraiment, là, on partait à l'aventure. J'avais les kayaks et j'étais pas chaud d'aller dans l'eau, quand même. Même avec les kayaks, parce qu'il y a quand même c'est un endroit où il y a des grands requins blancs. Enfin, c'est un peu leur maison, quoi. Du coup, moi, pas très chaud, mais Marie-Laure, qui a un peu toujours ce grain de folie, me dit « Je suis pas venu ici avec un kayak pour le laisser sur le toit du 4x4. » Et en fait, bon, après débat, évidemment, on sort les kayaks, on les met à l'eau. Je dis juste à Marie-Laure, par contre, ok, on est dans l'eau, on va pas loin, on déconne pas, on reste au bord de l'eau, enfin, on veut dire, on longe le rivage, quoi. Puis Marie-Laure, qui, encore atteinte de je ne sais quelle folie, elle me dit, ouais, mais fais chier, moi, j'aimerais bien voir un requin. Elle paraît que le kayak, je la vois partir en trombe, en mode, moi, je vais en voir un, enfin, bref, elle s'énerve un peu, machin. Je commençais à essayer un peu de la suivre, mais là, j'avoue, j'étais paralysé. Entre ma peur de tomber sur une saloperie et d'aller récupérer ma chérie qui était en train de faire n'importe quoi, elle a fait, je crois, elle a fait 15 mètres de kayak. Mais vraiment pas plus, hein. 15 mètres, il y a une masse qui est passée sous son truc, sous son kayak. Elle a vu une ombre passer de, je sais pas, peut-être 3-4 mètres, un gros truc. Et en fait, elle m'a crié, elle a fait « C'est bon, j'en ai vu, hein !» Et elle est revenue. Elle est revenue cash, on a arrêté le kayak, on est rentré. C'est ça, en voyage, en couple, il faut aussi savoir que voilà, les envies, elles sont différentes. Et on n'est pas forcément d'accord. Globalement, sur toute la durée du voyage, on s'est bien entendu, on n'a pas eu de grosses engueulades à se remettre complètement en question ou quoi. Donc voilà, il faut composer, il faut beaucoup composer, et puis il faut rester serein, quoi, dans ce genre de situation, mais ouais, il y a eu pas mal de trucs. C'est le début du road trip, en fait, parce qu'en fait, quand on a fini de travailler à Geraldton, on a commencé par Shark Bay, et après, on a fait que remonter. On avait prévu un trajet de 3700 km, quand même. On est monté jusqu'à Exmouth, qui est une ville qui est fantastique pour ses fonds marins, en fait. C'est là, tu prends le masque, les tubas, et t'as des raies qui te passent entre les jambes, t'as des poissons de toutes les couleurs. Enfin, j'avais jamais vu des fonds marins pareils, c'était magnifique. C'est la deuxième barrière de corail d'Australie. Il y a celle qui est à l'est, qui est la plus connue, qui est en train de se détériorer à fond, là, malheureusement. Et t'as le Ningaloo Reef, qui est en fait la barrière de corail qu'il y avait de notre côté du Western. Et donc là, on était en plein dessus. Et puis, en fait, plus on a monté notre road trip, plus on est monté vers le nord, plus c'est devenu... le nord de l'Australie est quasi préhistorique d'un point de vue faune et flore. On est vraiment sur du crocodile, ce qu'ils appellent le salt water. C'est le crocodile qui fait, je sais pas, ouais, il y en a vraiment des très très gros. Ils en ont retrouvé, il y en a un qui s'appelle Gustave, qui est un record mondial, je sais plus combien, je sais pas si c'est pas 10 mètres ou un truc comme ça, c'est vraiment très très grand. C'est des dinosaures, quoi. Et du coup, on a fait donc un des parcs nationaux qui est un des plus jolis qu'on a vu, c'est le Karingini Park. Où là, c'est vraiment de la balade dans des canyons, en fait. Des canyons où tu dois un peu t'agripper sur les cailloux, longer l'eau. C'est des photos qu'on voit dans National Geographic. C'est le genre de paysages, de couleurs. Enfin, moi, ça m'a évoqué vraiment les magazines Géo de quand j'étais jeune qu'il y avait chez moi, ou ce genre de choses. C'était vraiment des paysages atypiques. Donc voilà, on a fait Karingini, qui était vraiment, vraiment magnifique. Et là, on a eu envie d'un peu de défi, en fait. Ce qu'ils appellent, eux, l'aventure australienne, c'est-à-dire de se taper les 600 km de off-road en plein désert, là où t'es même plus au GPS, t'es plus à rien, t'es avec ta carte et enfin tu avances comme tant bien que mal sur certaines routes, sur les peu de chemins que t'arrives à trouver, tu vois. Enfin, je voulais pas repartir de l'Australie sans en avoir fait au moins une de ces routes mythiques. Et donc du coup, sur notre chemin, il y en a une qui s'appelle la Gibb River Road. Et en me renseignant un petit peu sur Internet, je m'aperçois que les gens qualifient un peu cette route de un peu la dernière grande aventure australienne en matière de off-road et de 4x4. Alors, je deviens fou, je suis là, oh, putain, c'est parfait, c'est exactement ce que je cherche. Et puis Marie-Laure est partante, évidemment, pour vivre le truc à fond aussi. Donc on commence à se mettre en tête de faire doucement ce truc-là. Et puis plus on avance, on rencontre des gens, on en parle. Et plus tout le monde commence un peu à nous mettre des barrières en nous disant, ouais, mais les gars, votre 4x4, il est vieux. Il va peut-être pas tenir le coup sur un truc comme ça, c'est un peu compliqué. Et en fait, il y a des instructions. Et ces instructions, c'est prévoyez ouais, 2 semaines d'eau, 2 semaines de nourriture, 2 semaines de tout, quoi. Parce que sinon, si vous cassez votre bagnole sur cette route-là, là vraiment, il n'y a personne, quoi. Il y a une station d'essence qui a un point relais au milieu du truc qu'il faut absolument atteindre et refaire son plein parce que tu peux pas faire les 600 km. Même avec les bidons, on avait des bidons et tout ce qu'il fallait. Enfin, on n'était pas assez suffisant en essence. Mais c'est tout. Et puis là, on nous donne la dernière consigne qui est en fait de signaler au poste de police du début de la route que tu vas le faire. Tu estimes le temps dans lequel tu vas le faire. Tu dois signaler que tu as bien fini ta route et qu'il t'envoie pas de, il t'envoie pas de rangers à ta recherche en fait. Donc un petit coup de stress en plus. Et puis au final, on y va en fait. On y va quand même en se disant, ouais, bah, on s'en fout. Enfin, on passe un peu au-dessus de tout ça. Puis en fait, très très vite. On s'est dit qu'effectivement notre 4x4 n'était pas à niveau, parce que la route, en fait, le chemin de sable, à force que les gens passent dessus, ils créent ce qu'ils appellent des corrugations. Je crois que c'était. Oui, ça devait être des corrugations. Et en fait, c'est un petit relief sur la route qui fait que le 4x4, il travaille sur les suspensions, mais en permanence. C'était vraiment de vibration sur vibration. Et forcément, toutes ces vibrations, elles entraînent de la casse mécanique. Et nous, notre 4x4, il attendait que ça, évidemment, de se casser. Donc ça a commencé assez soft, on a crevé. On a commencé par crever le pneu. Voilà, là c'est le premier stop, personne évidemment, et puis en fait je m'aperçois que la roue de secours, je sais que je l'ai, mais il faut la détacher avec une pièce spéciale que j'ai évidemment pas. Donc je suis perdu. Et dans les 5 minutes qui passent, un Australien arrive. Et en fait le mec me dit, me montre une pièce et me dit c'est ça qu'il te faut pour décrocher ta roue. Et je me souviens à ce moment-là, le flash que j'ai, quand je viens d'acheter le 4x4, cette pièce-là, je me dis ouais, elle sert à rien, je la jette. il nous répare le pneu, donc on arrive à repartir. Et avec Marie-Laure, là, je sais qu'à ce moment-là, l'ambiance a commencé à chauffer et tout, parce que on était flippés de ce qu'on était en train de faire. En fait, on ne profitait pas du truc. On était plus dans est-ce qu'on va réussir à finir cette route sans perdre notre 4x4? Parce que la probabilité de vraiment avoir un problème, enfin, je veux dire, de mourir sur place ou quoi, ça, c'est quand même très faible. Par contre, ce qu'on voit sur le bord de la route, plus on avance, c'est qu'il y a des 4x4 abandonnés. Donc nous, on voit des 4x4 abandonnés et tout, on commence à se dire « Oh putain, ça va nous arriver, c'est sûr, enfin on va devoir laisser la voiture ». On se fait une raison, on se dit que de toute façon, ça fait déjà, je pense à ce moment-là, ça fait déjà 7 mois qu'on est en Australie, bon bah le 4x4 il aura bien vécu, voilà, s'il doit mourir là, il doit mourir là. Donc du coup on se dit « Bon tant pis, allez on roule, on y va, on profite à fond ». Le premier truc qu'on visite sur la route, c'est ce qui s'appelait, ouais c'est la Wingana Gorge, bah, c'est une balade de randonnée avec des crocodiles, voilà. Globalement, il y a des crocos absolument partout. T'as un petit chemin un peu joli. Et avec Marie-Laure, on s'est fait super peur à ce moment-là parce qu'on a surpris. Enfin, elle est tombée nez à nez avec un crocodile qui ne l'avait pas vu, donc elle l'a surpris. Enfin, le crocodile a fui, s'est jeté dans l'eau et Marie-Laure, elle restait bien bloquée parce qu'elle avait fait une rencontre, il était à 1 mètre d'elle, quoi. Et on enchaîne du coup avec la visite d'une grotte. Et ça, c'était encore un moment. Ça, c'était vraiment un des meilleurs moments pour moi en Australie. C'était la visite de la grotte. En fait, il n'y a pas de lumière dans cette grotte. Elle est complètement. Après, une fois que tu rentres dedans, c'est complètement sombre. Donc, tu dois y aller avec une torche. Et ouais, et là, c'est le trip explorateur, quoi, clairement. Il y a des chauves-souris qui s'appellent les Flying Fox qui volent absolument partout. C'est des chauves-souris, sans exagérer, quand elles déploient les ailes, t'en as bien pour 60 cm, 70 cm. Donc les trucs sont super imposants. Ils nous tournoient autour, ils volent absolument partout. J'arrive à en photographier de très près. Enfin, genre, je me suis éclaté dans cette grotte, quoi. Donc on repart le matin de cette grotte et tout, et on retraverse cette petite rivière que j'avais très bien pris à l'aller. Mais au retour, je sais pas ce qui s'est passé, et je me dis, j'ai l'impression que l'eau est un petit peu montée, mais pas non plus des masses, mais elle est un peu montée. Et je traverse la rivière une première fois, mais à pleine balle. Je me fais le trip, vraiment, j'y vais vraiment à, je sais pas, 50 km/h. L'eau, elle gicle partout, c'est l'éclate, c'est magique, on traverse le truc. Et puis on descend, et puis je dis à Marie-Laure, attends, c'est trop fou, sors la caméra, et puis filme-moi, je le refais, je veux le filmer, ce truc-là, quoi. Et là, par contre, je sais pas ce qui se passe, j'arrive à peine à sortir la voiture sur l'autre rive, qu'elle s'éteint complètement, quoi. Donc là, c'est re la panique, parce qu'en fait, à chaque fois que le 4x4 s'éteint, c'est la panique. Bon, là, il reste 300 km de off-road, on a bien avancé, mais le 4x4 s'allume plus, quoi. Donc on est dans la merde totale, et là... l'Australien sauveur de base qui débarque avec son gros 4x4, qui était d'ailleurs le même mec qui nous avait aidé à réparer le pneu la veille, qui faisait à peu près la même route que nous, qui rigole et qui nous dit là par contre les mecs c'est fini quoi, bah, t'as noyé ton moteur, t'as fait comment? Je lui explique, il m'a fait ouais bah t'as fait l'inverse de ce qu'il fallait faire, bravo champion, maintenant ton 4x4 il est mort, si tu veux moi je te ramène à la sortie de la route dans 300 km, mais enfin oublie ton 4x4 et tout. Et sur le moment je pouvais pas m'y résoudre parce que ce 4x4 c'était honnêtement, il y avait une vraie relation, quoi. Ça fait beaucoup rire Marie-Laure, la relation que j'ai eue avec ce 4x4, mais c'était mon pote, quoi. C'est-à-dire, c'était ma maison, c'était ma voiture, c'était en Australie, c'était ce qui symbolisait tout le voyage pour moi, ce 4x4. Il nous a permis d'aller partout. Je pouvais pas le laisser là. Enfin, vraiment, ça me faisait mal au cœur de me dire non, je vais pas laisser ma caisse là, c'est pas possible, j'aime trop cette voiture. Pour tout dire, à ce moment-là, j'avais prévu de la ramener en France. Hein. J'avais prévenu de ramener le 4x4, je m'étais fait tout un plan avec des bateaux, enfin bref. Mais du coup, non, impossible. Et au final, il repart. On n'a jamais compris pourquoi. Il a redémarré, le moteur n'était pas du tout noyé. Et on arrive donc au milieu de la route, où il y a la fameuse station essence, on se ravitaille, et puis là, oh miracle, un garage. On amène tout de suite le 4x4. Bon, il y a une file d'attente de 4x4 comme nous, de gens qui ont pété des trucs sur la route, énorme. Donc il y a un temps d'attente de je sais plus combien, une journée, ou je sais pas quoi. Donc on attend avec notre 4x4. La personne du garage finit par tester notre 4x4 pour nous dire qu'il a rien. Donc il nous dit « Je pense que vous pouvez la finir ». Et donc on lui fait confiance. Donc je me souviens que je conduisais, donc je sentais que ça allait pas quand je conduisais la bagnole, qu'il y avait des trucs qui étaient bizarres. Et puis Marie-Laure à ce moment-là décide de conduire parce qu'elle en a marre, elle conduit pas beaucoup. C'est vrai que j'avais du mal à lâcher le volant tellement j'adorais conduire ce 4x4. Et je lâche le volant et puis au final, elle roule, je sais pas, genre 25 minutes. Et puis là, le truc tombe en rade. L'engueulade de base, t'as pris la voiture, tu l'as cassée, enfin voilà, moi je suis très con sur le moment, je l'accuse de tous les torts de la vie, en mode c'est ta faute, putain, regarde, on est encore perdu dans le désert, enfin voilà, l'engueulade très teintée de mauvaise foi, enfin la totale, enfin bref, donc c'est tombé sur Marie-Laure, et puis là, là je crois qu'on a eu une espèce de crise nerveuse tous les deux, où on s'est mis à rire en fait, on s'est juste mis à rire, moi c'est pas possible, ça fait 3 fois qu'on casse le 4x4, 3 jours consécutifs sur la même route qui est toujours aussi isolée, dangereuse, donc là on était, bon, c'est bon, tu sais quoi, les prochains Australiens qu'on croise, on leur demande de monter dans la voiture, on part avec eux, puis on se casse, on va à Bali, voilà, la Gibb River Road c'était vraiment censé être l'aventure géniale, et puis en fait, voilà, ça s'est transformé en cauchemar mécanique avec notre vieille bagnole, et on est encore une fois tombé sur des Australiens super gentils. Ils nous ont remorqué avec leur 4x4. Donc les mecs ont sauvé notre 4x4, quoi. Clairement, sinon il y restait, il n'y avait aucun autre moyen de le sortir de ce merdier. Et puis en fait, comme on s'en est sorti de cette route, ça nous a mis beaucoup de baume au cœur, parce qu'on était super contents déjà d'avoir sauvé notre voiture, et puis de l'avoir faite, en fait, tout simplement. Parce que ça reste encore un petit défi, quoi. Un des derniers défis en Australie, en matière de, voilà, d'aventure en voiture, quoi. Enfin, en 4x4. Donc assez fier finalement d'avoir fini ce truc, mais ça s'est fait dans la douleur permanente. Il n'y a pas eu de moment de plaisir à part la grotte et les chauves-souris. Enfin, c'était vraiment compliqué. Et on avait besoin de vacances, quoi. Clairement, après ce truc-là, on est en vacances. Enfin, je veux dire, on est en road trip. Bah là, il nous fallait quand même des vacances. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on se repose, qu'on se pose quelque part. Donc on s'est loué à un hôtel. En fait, on est arrivé à Darwin, qui est la ville la plus haute d'Australie, et notre but, c'était après de partir à Bali et en Thaïlande. Donc après, on a fait toute une autre partie de voyage. Mais pour finir l'Australie, on voulait rejoindre des amis qu'on s'était fait, qui habitaient à Darwin à ce moment-là. Et là, ça a été un peu la déception, on va dire, sur la ville en elle-même, et surtout sur les gens. Dans la rue, tu croises vraiment, vraiment des spécimens, quoi. Des gens qui sont, ils sont très drogués, ça j'en ai pas parlé, mais l'Australie c'est très drogue, hein, y a énormément de trucs. Tous ces gens qui s'éclatent la tête, mais vraiment il n'y a pas d'autre mot, ils se détruisent la tête toute la journée, c'est assez symptomatique, c'est-à-dire que les jeunes, bon bah ils sont là, ils font pas grand-chose, ils connaissent pas leur propre pays, alors ça nous a beaucoup surpris, parce que quand on discute de leur pays, bah on s'aperçoit qu'on en sait plus qu'eux. Tous les gens qu'on a rencontrés qui venaient d'ailleurs, que ce soit des Italiens, des Espagnols, enfin tous les gens qui étaient au Working Holiday, c'est finalement avec ces gens-là qu'on s'est le plus amusé. Les jeunes Australiens, souvent, les trouvaient un peu blasés de leur pays. Et ça, c'était un peu frustrant de ne pas s'entendre plus que ça avec la jeunesse locale. les gens de notre âge, c'était souvent des gens qui étaient déjà... nous, on avait 23 ans et 24 ans, enfin, on avait 24 ans à peu près quand on a voyagé. Bon, bah, l'Australien de 24 ans, il a déjà une maison, une voiture, des enfants, il est déjà casé dans sa vie, il n'a pas du tout le même schéma de vie. D'ailleurs, ils ne comprennent pas forcément les gens comme nous qui viennent pour voyager, mais à quoi bon, quoi. Et nous, après tout ce qu'on venait de vivre, qui était vachement plus sauvage, vachement plus... En fait, ce retour à la civilisation, on l'a super mal vécu. On se retrouvait plus là-dedans, en fait. On n'était plus du tout dans notre délire de voyage. On était dans une espèce de truc balnéaire où les gens ne font que la fête. Donc ça nous a vite gonflé. Darwin, ça a été vraiment un peu la fin pour nous. De toute façon, c'était la fin, on voulait s'en aller. Donc on a profité des 2 semaines qu'on avait pour revendre notre véhicule. Ça a été très dur. Et au moment de donner les clés, j'ai quand même un peu versé ma petite larmichette en mode... Bah, ça symbolisait pour moi la fin du voyage. Aujourd'hui, je pense que je suis un peu fou avec ça, mais genre j'essaye de retrouver le modèle exact de ce 4x4 en France, quoi. En occasion, il y en a. Je sais qu'il y en a, je vais trouver, je vais finir par trouver. Et une vraie communion, on va dire, entre moi et ce véhicule. En fait, on avait prévu un mois à Bali et un mois en Thaïlande avant de rentrer en France. Et donc on a fait, donc c'était assez... Là, c'était, on n'était plus du tout dans la même démarche, dans le sens où on ne devait pas travailler. On avait fait assez d'économies pour les faire, ces 2 voyages, donc on était plutôt tranquille. Et ce que j'en retiens, c'est que ça laisse une trace indélébile. Mais genre vraiment, ça laisse une trace dans le cœur, dans l'esprit. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'un point de vue social, je pense, de faire un voyage. J'ai appris à me laisser plus aller vers les gens et à discuter plus avec eux et voilà, à essayer de m'intéresser plus aux gens aussi. Le fait de parler anglais, ça m'a libéré. Par contre, ce que je retiens aussi, c'est la tristesse du retour. Ça, c'est horrible. Genre, je le dis, après moi, je l'ai vécu comme ça. Marie-Laure, je sais qu'elle l'a très mal vécu aussi. La veille de rentrer, on avait prévu de réappliquer pour un visa et partir au Canada, enfin, continuer cette vie-là de voyage, en fait. Et puis, bon, on rentre à la maison, forcément, bah, le retour avec les proches, c'est fort, parce qu'après un an, on a envie de revoir tout le monde, enfin, on veut revoir tous nos proches, les copains, les machins, puis surtout, on a envie de raconter nos aventures, quoi. C'est vrai qu'il y a ce truc-là qui est vachement fort quand tu rentres, c'est que tu vas parler de ton voyage, mais à en saouler les gens, mais vraiment, à en saouler les gens sans te rendre compte, parce que toi, t'as vécu un truc super fort, t'as l'impression que t'embarques les gens avec toi quand tu racontes ton truc, mais en fait, non, ils l'ont pas vécu. Alors que moi, je sais qu'avec Marie-Laure, ça nous arrive d'en reparler encore, alors que ça fait déjà, bah, ça fait mine de rien, ça fait 3 ans qu'on est rentré. Moi, j'ai repris mon vrai métier, ce que j'aurais dû faire en sortant de mes études, plutôt que d'aller travailler dans des restaurants. Je m'en suis sorti, aujourd'hui, j'ai plus aucune envie de laisser tomber ça, mais l'envie de voyager, elle est tellement forte, donc c'est une espèce de conflit. À 27 ans, on se dit que c'est encore largement possible de partir faire des voyages comme ça. Et on a fait comme tous les gens, on nous mettait en garde, c'est-à-dire que bah, quand tu rentres, reste pas longtemps, si tu repars pas en voyage tout de suite, tu vas rester chez toi, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, on est content de notre situation, mais combien de fois ça nous arrive de... Ah, oh, et tu te rappelles qu'on avait fait ci, qu'on avait fait ça, et pourquoi on ressaute pas dans un avion? Ça c'est vraiment la question, et pourquoi on ressaute pas dans un avion? Qu'est-ce qui nous bloque ici, à part nos ambitions professionnelles et notre famille? Bah, y a rien en fait qui nous bloque, quoi. Honnêtement, j'ai pas fait ce choix-là, mais je pense qu'il faut repartir. Il faut... ce que nous, on a fait, il faut le multiplier sur 3-4 années, je pense. Parce que ce que tu reviens avec quelque chose qui est tellement énorme, cette espèce de bagage d'expérience de tout ce que t'as vécu, que t'es forcément différent. Et au final, bah, je sais qu'il y a des pays comme l'Allemagne où les jeunes, ils sortent du bac, on leur donne un an, je crois. En France, je pense pas qu'on pousse tant les gens que ça à le faire. C'est même pas mal stigmatisé, en vrai, quand... Tu mets sur ton CV que tu as fait un an en Australie, il y a des employeurs, ça passe pas. Les employeurs, ils se disent « Ouais, le mec, il a pris un an de vacances. » Alors que c'est pas vrai, là, t'as pas pris un an de vacances. Déjà, t'as travaillé, peut-être pas dans le domaine que tu voulais, mais t'as travaillé comme un chien, parce qu'il faut survivre sur place. Et puis voilà, l'expérience de vie, elle est tellement ouvrante sur d'autres choses que... Non, c'est de l'expérience, c'est vraiment de l'expérience totale, quoi. Je suis moins obtus, enfin voilà, ça m'a permis de comprendre surtout que bah, l'être humain, il est différent de par ses expériences, et puis personne n'est unique, quoi. T'es pas unique. Tout le monde vit des choses incroyables, tout le monde a des choses à t'apporter, et quand tu voyages, tu t'en rends vraiment compte. Que toutes les expériences des gens, quand ils te les racontent au coin du feu, tu les assimiles un peu, leurs expériences à eux, et donc tu partages. Par contre, ça m'a ouvert l'esprit sur... bah, le monde, il est beau, quoi. Enfin, genre, le monde, il est beau, il est vaste, et j'aimerais, en tout cas, personnellement, en voir le plus possible... le plus possible. Donc voilà. Merci à Thomas d'être venu partager son vécu et d'avoir conclu son récit en résumant tout ce qui fait l'ambition de Feu de Camp. Pour continuer son partage, il vous livre ses recommandations comme à chaque fin d'épisode. Le premier est le célèbre film Into the Wild, réalisé par Sean Penn en 2007, qui adapte le roman du même nom écrit par John Krakauer en 1996. Ce livre raconte l'histoire réelle de Christophe McCandless, l'étudiant américain modèle qui décide de partir sur les routes sans prévenir personne, pour mener une vie solitaire, spirituelle et proche de la nature, bien loin du rêve américain. Récompensé à de nombreuses reprises, c'est une œuvre incontournable du film de voyage dans lequel le personnage principal, interprété par Emile Hirsch, dira « Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé ». Enfin, Thomas vous présente le groupe de métal progressif américain Tool, formé en 1990. Ce groupe mondialement reconnu a beaucoup accompagné Thomas dans le désert, ce qui donnait à leur musique une dimension encore plus intense. Il vous recommande tout particulièrement le dernier album Firinoculum, qu'il qualifie d'incroyable voyage. À vos casques. Encore merci à Thomas d'avoir rejoint le Feu de Camp et partagé son expérience. Et à bientôt pour un nouveau Feu de Camp.